tu vas savoir qui c'est. C'est du rap français. Tu vas savoir qui c'est. Si on te demande qui c'est, réponds que c'est le seul jumeau du rap français. Des deux balles, cette voix aiguë qui sait. Je me présente, Jiki Naga Flip Flapper. Moussa Benjamin Mini Mouef, c'est BBMC. Avec Hassan, on avait blessé Neruda au plaisir. Détecté par les agents du positif syndicat. A.L. Massao a décidé de faire ta style. Des jumeaux, passement de jambes, des phases efficaces. Intégration MA3 Club, y'avait de la place. Que pour des rappeurs au charisme éclectique. Qui kick sur n'importe quel zine, nique sur n'importe quel beat. Le pic est automatique, la voix est une balle. Un flow déroutant, l'adversaire s'emballe. Faute sans simulation, pénalty sans goal. Cherche pas le contact, on a de l'arché ball. C'est le nouveau système de jeu congolais. 4-3-3-2-1-0, free fra frère. Tu sais que c'est du bon, par réputation. Ne te demande pas qui c'est. Contente-toi de payer l'addition. Si on te demande qui c'est, réponds que c'est le seul jumeau du rap français. Des deux balles, c'est toi et du qui c'est. Je me présente, j'ai qui la free fra frère. C'est le jumeau du rap français là. Ouais. Un autre mec est en train de poser avec toi là. Ouais, ouais. Qui c'est? Tu veux savoir c'est qui là? Ouais, vas-y. Le petit cadeau. Ouais. Tu te demandes qui c'est? On l'appelle le cisailleur ou DOC. Celui qu'on a condamné aux travaux forcés. De retour sur le terre-terre est déterminé. Leur commission m'a sélectionné. Donc je dois la jouer fine pour ne plus être sanctionné. La fédération me guette et m'a mis sur le côté. Faut que je vide les arbitres et leur putain de sifflet. Go. 84 mois de formation sèche. Parfois c'était la colo, parfois c'était la calèche. Présent pendant les inter-bâtiments. Au Détroit Club, crois-moi, y'avait pas de sentiment. On s'inscrit dans la durée, tout doucement. En passe une, deux bastos, file droit devant. Assurément confiant, l'équipe est au complet. Je triple l'instru, reprise de volée. Les deux balles, si on te demande qui c'est, ce sont les seuls jumeaux du rap français. Les deux balles, si on te demande qui c'est, des gars flip la flèche qui fait déposer. Les deux balles, si on te demande qui c'est, ce sont les seuls jumeaux du rap français. Les deux balles, si on te demande qui c'est, des gars flip la flèche qui fait déposer. 89 premier concert, premier match remporté, le LP. Trois fois plus efficace, a tout éclaté. Les maps passent du bison à bison. Voilà la racine. En 2001, le MA3, album anti-victime. Le 3 pour toujours, pas le temps de stébiner. Tu sais, les deux balles, c'est du rap abdominé. Les avortons non avertis test. Les temps ont changé, plus le temps de délirer. On est là pour squatter les ligues des champions, les coupes, les championnats. Pichichi de la rime, personne détrône les rois. Double impact, donc il faut que tu captes tout pour la victoire. Sinon le coach se fâche, on reste fermé debout, que les lâches le sachent. Ça fait bien longtemps qu'on ne craint plus les tacs. On se remplace en occupant toute la zone de jeu. Pas d'exclusion pour l'arrivée des pages. Les deux balles, si on te demande qui c'est, ce sont les seuls jumeaux du rap français. Les deux balles, si on te demande qui c'est, des gars flip la flèche qui fait déposer. Les deux balles, si on te demande qui c'est, ce sont les seuls jumeaux du rap français. Les deux balles, si on te demande qui c'est, des gars flip la flèche qui fait déposer. Les deux balles, si on te demande qui c'est, ce sont les seuls jumeaux du rap français. Les deux balles, si on te demande qui c'est, des gars flip la flèche qui fait déposer. Les deux balles, si on te demande qui c'est, ce sont les seuls jumeaux du rap français. Les deux balles, si on te demande qui c'est, des gars flip la flèche.